Robin, tu as une annonce à faire? Ouais, je Ouais. suis suivi par Michael Jackson sur Twitter. Est-il possible de dire quelque chose d'intelligent sur les questions d'orientation sexuelle? Les débats, événements, protestations, questions et réponses d'à peu près tous les intervenants sur les plateaux télé, dans les assemblées diverses, seraient capables de nous faire douter. Et pourtant, le sujet est passionnant. Inné, acquis, hormones, influence sociale, génétique. Les homos ont-ils le même cerveau que tout le monde? C'est surtout sous l'angle hormonal que nous allons traiter de ces questions ce soir, avec le deuxième volet du dossier d'Irène sur les hormones sexuelles. Nous sommes le 16 septembre 2014, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 185, numéro qui n'a aucune particularité. Bonsoir et bienvenue. Autour de notre table virtuelle ce soir, on a Robin. Salut Robin. Salut. Johan. Bonsoir. Johan. Alan. Salut tout le monde. Très belle on intro. On a Julie qui vient de se supprimer du conducteur, mais en fait elle est là. J'imagine qu'elle ne veut pas parler. Et on a bien sûr Irène qui va nous faire le dossier de ce soir. Ça va tout le monde? Bonsoir. Oui, on va super bien. Du moins moi je vais bien. À fond, tout le monde va bien. Yeah. Ok, super. Bah, du coup, Irène, c'est à toi, tu peux nous parler d'orientation sexuelle. D'accord. Eh bien, donc ça sera quand même un dossier un petit peu court ce soir, mais il est vraiment dans le feu de l'actualité, avec, comme vous le savez probablement, des débats assez musclés, certainement en Europe et certainement aussi dans d'autres pays, même les États-Unis en ce moment. Et de fait, d'ailleurs, si on regarde l'acceptation de l'homosexualité dans le monde, on se rend compte que les positions de rejet absolues, notamment par les gouvernements, ne sont pas rares. Mais restons calmes et posons-nous la simple question, pourquoi y a-t-il des différences sexuelles dans les comportements humains? Alors, par exemple, pourquoi certaines filles qualifiées de garçons manqués préfèrent-elles jouer avec des garçons ou avec des jouets de garçons? De même que certains garçons adorent se maquiller et mettre des robes, comme très récemment notre fameux chanteur Conchita Wurst. Wurst, je ne sais pas comment on dit en français. Et pour aller plus loin, pourquoi certains individus diffèrent-ils dans leurs orientations sexuelles, certains étant attirés par des partenaires de sexe opposé, tandis que d'autres le sont par ceux du même sexe ou les deux? Alors, pour démarrer la question, j'ai bien aimé les travaux d'un chercheur biologiste qui s'appelle Jacques Balthazar et qui, à l'occasion de la parution de son livre qui s'appelle « Biologie de l'homosexualité », nous affirme « On est homosexuel, on ne choisit pas de l'être ». Et il explique, une partie des facteurs de l'homosexualité est génétique, c'est la partie que l'on connaît le moins bien. On a beaucoup plus de données sur la partie hormonale de ces facteurs. Et enfin, il y a une partie immunologique, une réaction immunitaire développée par la mère contre l'embryon de sexe mâle, qui affecterait en fait les préférences sexuelles. Alors, à partir de là, on va voir un peu ce qu'il en est, ce que la science nous apporte comme données sur tout cela. Alors, je vais citer maintenant pas mal des résultats d'expérience de tous les niveaux et des résultats de données scientifiques, de faits, de recherches qui ont été faits, qui nous amèneront à la définition de l'homosexualité d'un point de vue biologique. Et nous verrons que les hormones sexuelles ont un rôle très, très important. Alors, en ce qui concerne les études épidémiologiques, pour partir encore une fois de données générales, on a encore du mal à donner des chiffres. Apparemment, 3 à 4% d'hommes et 1 à 2% de femmes sont homosexuels. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus, en fait. Et je crois aussi que les chiffres augmenteront avec le niveau de tolérance et d'acceptation, de compréhension et de reconnaissance de l'homosexualité comme une norme. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. T'as dit quel Irène, pourcentage pour, oui, je te demandais juste de répéter le pourcentage que tu as indiqué. Alors, c'est des chiffres. J'ai fait une synthèse sur pas mal d'articles que j'ai trouvés, mais apparemment, il y a une fourchette de 3 à 4% d'hommes et 1 à 2% de femmes. Et moi, ça me Personnellement, ça me paraît sous-estimé, mais bon. Justement, pour essayer d'aller dans la précision scientifique, ce que tu appelles homosexuel ou ce qu'ils appelaient homosexuel dans les chiffres que tu as vus, c'était quelqu'un qui a eu une pratique homosexuelle dans sa vie ou quelqu'un qui a que des pratiques homosexuelles ou c'est un peu n'importe quoi, ça dépend. C'est vrai que c'est important de préciser, c'est des gens qui se présentent comme uniquement homosexuels. D'accord. Et qui, peu importe qu'ils aient une ou plusieurs épisodes, ils se présentent eux-mêmes comme uniquement homosexuels, en fait. L'homosexualité, parce qu'il faut quand même un critère. Pardon ? Il faut quand même un critère pour la définir. Dans la littérature scientifique, en général, elle se confond avec l'attirance sexuelle pour une personne du même sexe, simplement. C'est aussi ce que tu as lu ? Dans ta définition, Alan, ça fait rentrer les bisexuels, du coup. D'accord. Les bisexuels, ils sont un peu négligés par la littérature scientifique, je trouve. Mais oui, ça entrerait dedans. D'accord. Oui. Après, c'est vrai que la définition de l'homosexualité, elle est un peu ambiguë. Elle est pas forcément... Les gens ne sont pas toujours d'accord sur la définition, notamment entre l'homosexualité chez les animaux, chez les hommes. Elle n'est pas très, très bien définie. Mais bon, on va rester assez général pour le moment. Pour moi, le point, c'est qu'à mon avis, de toute façon, pour le moment, c'est sous-estimé. Et je pense qu'encore une fois, ça va augmenter, en fait. Mais bon, c'est la littérature en est là. La littérature scientifique en est là pour le moment. Alors, ce qui est, à mon avis, par contre, essentiel à savoir, c'est que les études psychologiques... Donc, il y a eu pas mal d'études là-dessus, hein, et je donne des références aussi pour ceux qui sont intéressés dans le texte. Hein. Les études psychologiques, purement psychologiques, ne mettent pas du tout en évidence de facteur parental. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause du papa ou de la maman et de leur attitude vis-à-vis de leurs enfants que les enfants seront homosexuels ou non, en fait. Bon, il n'y a jamais eu d'études qui puissent le montrer, que la famille oriente et une implication dans l'orientation sexuelle de leurs enfants. Et il y a beaucoup de recherches à ce sujet. Donc, à mon avis, c'est très, très important. Souvent, on parle notamment du père absent, qui aurait une influence, etc. Mais en fait, il y a des millions de mères célibataires dans le monde entier et l'absence du père n'induit aucune augmentation de l'indice de l'homosexualité. Il y a aussi des sociétés traditionnelles, par exemple en Malaisie ou Micronésie, où les relations homosexuelles sont imposées aux adolescents avant le mariage. Et là non plus, il n'y a pas eu de constatation d'incidence particulière de l'homosexualité à l'âge adulte. Pas plus que chez les garçons ayant eu des pratiques homosexuelles pendant l'adolescence, du temps où, par exemple, l'école n'était pas mixte. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que les hommes qui ont des frères plus âgés, ont plus de chances d'être homosexuels. Là aussi, c'est vraiment très bien documenté. En d'autres termes, on a plus, enfin, un enfant, un garçon a plus 30% de chances d'être homosexuel par frère plus âgé. C'est très significatif et ce n'est pas du tout un concept, c'est un fait. Et même si la raison n'est pas très claire, néanmoins, c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs... Il y a deux, en gros, interprétations possibles. Si j'en réfère à Jacques Balthazar encore, lui, il pense, c'est une théorie qui est intéressante, qu'il y a une réaction immunitaire de la maman qui est dirigée contre les composants mâles du fœtus. Donc, je sais, nos auditeurs sont peut-être conscients du fait que lorsqu'une maman est enceinte, cet enfant qui grandit dans son ventre est en fait un être extérieur à elle-même. Donc, en principe, la réaction immunitaire de la maman est là pour rejeter cet être qui n'appartient pas à elle, finalement. Mais c'est vrai qu'au cours de la grossesse, la réaction immunitaire est modifiée de telle façon que l'enfant puisse grandir, en fait. Par contre, il se pourrait qu'il y ait quand même des anticorps qui sont produits pendant la grossesse, quand il s'agit d'un petit garçon et qui s'opposerait au développement du cerveau masculin. Alors ça, c'est vrai que c'est une théorie qui n'a pas été prouvée. Alors il y a des recherches en cours qui viendraient illustrer ce fait, mais ce n'est pas encore totalement accepté. Par contre, c'est quand même consistant avec le fait que les frères doivent être nés de la même maman et qu'il n'y a pas du tout d'effet dans les fratries de frères adoptés. Voilà, donc là, encore une fois, je donne des références. Ça suggère aussi le fait qu'il y ait cette histoire de fratrie, qu'il y a une transmission par voie génétique et matriarcale. Donc, il y a 3 études indépendantes qui ont été publiées qui indiquent l'existence d'une liaison entre la transmission de l'homosexualité masculine et des marqueurs situés dans une région bien précise du chromosome X, donc, qui est impliqué donc, dans le gène des... dans la... comment dire en français, le sexe des enfants, en fait. Le genre, enfin, si on est féminin ou masculin, je dirais. Voilà, donc c'est l'interprétation. C'est à partir de faits bien établis, les théories ne sont pas encore complètement prouvées, mais néanmoins, c'est très intéressant. Autre chose bien connue maintenant, c'est que chez les animaux, chez plusieurs centaines d'espèces, on a vu au moins occasionnellement des relations homosexuelles. Chez les grizzlies, les gorilles, les singes, les flamants roses, les béliers, les dauphins, les hérissons, etc. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, c'est intéressant, parce qu'effectivement, l'éthologie nous enseigne beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est pas spécifique à l'humain, en fait. Je reviens aussi sur le fait que l'homosexualité n'est pas un trait familial. Au moins, au même point de vue que ça ne vient pas d'attitude des parents, ce n'est pas du tout un trait familial non plus. Là encore, je donne des références. Il n'y a pas de famille d'homosexuels. Ce n'est pas un trait familial. Par contre, et cela nuance beaucoup, des vrais jumeaux ont un peu plus de chances d'être homosexuels que des faux jumeaux. Mais l'orientation sexuelle est tellement différente dans les paires de vrais jumeaux que l'on sait que le facteur génétique n'est pas prédominant. Donc, alors je ne sais plus si je dis ça maintenant ou après. C'est vrai que dans une paire de vrais jumeaux, s'il y a un jumeau qui est homosexuel, l'autre jumeau a plus de chances d'être homosexuel qu'entre frères qui ne sont pas jumeaux, par exemple. Donc, on sait qu'il y a un facteur génétique. Mais c'est quand même pas le plus important. Et il y a une étude italienne qui a montré aussi que les hommes homosexuels, alors ça c'est très important, ont plus de gens homosexuels dans la famille de leur mère que de leur père. Donc ça aussi, ça démontre qu'il y aurait un matériel génétique qui est transmis par les mamans et qui est responsable en partie donc de l'orientation sexuelle. Là encore, je donne des références. Ce facteur génétique, il existe, mais on voit bien à partir des données que ce n'est pas encore le facteur le plus important, notamment parce qu'encore une fois, ce n'est pas un trait familial, parce que les pourcentages de vrais jumeaux, etc., montrent que ce n'est pas un facteur génétique qui a le plus d'influence. Et en fait, il semblerait bien que le facteur le plus important, ce soit bien le facteur hormonal. Alors, un bref rappel, pour que tout le monde ne soit pas perdu, je vais parler des hormones androgènes. Les hormones androgènes, ce sont les hormones mâles, et la plus importante de ces hormones, c'est la testostérone, que tout le monde, à mon avis, connaît. Cette hormone, on la trouve aussi chez les femmes et chez les femelles en général, mais en quantité bien, bien moindre. Donc, la principale hormone sexuelle chez l'homme, c'est la testostérone, et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, c'est là où la biologie devient vraiment, à mon avis, très, très intéressante. En tant que biologiste, je trouve ça vraiment fascinant. Alors, il y a beaucoup d'études à ce sujet et des manipulations sur des animaux, comme les rats et les moutons, par exemple, ont permis d'induire des inversions sexuelles. Autrement dit, on sait maintenant qu'exposer des animaux femelles à la testostérone au cours du développement précoce, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, à un moment bien établi de la gestation, induit un comportement mâle chez l'adulte. Donc ça, encore, ce sont des faits. Hein. Donc la biologie nous montre que, encore une fois, en injectant de la testostérone à une maman enceinte, on peut induire un comportement sexuel. On peut influer sur l'orientation sexuelle du bébé. À l'inverse, en inhibant la production de cette hormone ou en inhibant son action lors du développement du mâle, cela conduit à un comportement plus féminin. Alors chez l'homme, on sait maintenant qu'il y a une période critique entre 2 et 5 mois après la conception, pendant laquelle le taux d'hormone a un effet critique sur l'orientation sexuelle. Et c'est là, à mon avis, où ça devient vraiment, vraiment passionnant, c'est que si un fœtus mâle est exposé à un taux de testostérone relativement haut, le garçon sera attiré par les hommes. Et bien sûr, inversement, si un fœtus mâle est exposé à un taux de testostérone relativement bas, le garçon sera attiré par les femmes. Et bien sûr, c'est vrai, l'équivalent est vrai chez la femme. Si un fœtus femelle est exposé à un taux de testostérone relativement haut, la fille sera attirée par les garçons. Si elle est exposée à un taux de testostérone relativement bas, elle sera attirée par les filles. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment la clé. Et encore une fois, c'est pas des concepts, c'est la réalité en fait. Hein. Alors la plupart des femmes exposées au cours du développement prénatal à des taux de testostérone élevés montrent une attirance accrue avec des partenaires donc de même sexe. Alors la médecine, elle vient aussi conforter cette idée en fait, cette réalité. Elle apporte ses preuves aussi. Il existe donc, on sait que des fillettes qui sont exposées à des taux d'hormones mâles anormalement élevés au cours de leur vie intra-utérine, notamment en raison de désordres génétiques. Il y en a un qui est très bien connu. Je vais donner le nom, c'est un peu compliqué. C'est l'hyperplasie congénitale suréalienne, la CAH. Alors ça, c'est une hyperproduction de la glande, d'une glande que l'on a sur le rein, qu'on appelle la glande surrénalienne. Et donc, cette glande, elle va produire trop d'hormones mâles, en fait, par maladie. Et on s'est aperçu que ces fillettes, en fait, lorsqu'elles grandissent, elles ont plus d'attirance pour les jouets traditionnels de garçons, les petites voitures, les armes, que pour les poupées. Et elles sont attirées par des activités de garçons et jouent préférentiellement avec eux. En plus, ce qui est vraiment intéressant, je suis désolée, je dis que c'est intéressant parce que moi, ça me fascine vraiment ces histoires. Mais je trouve que c'est vraiment passionnant. Ces changements d'orientation sexuelle semblent en plus corrélés à la sévérité du cas, en fait. Il y a ce qu'on appelle la relation dose-réponse. C'est-à-dire que plus le désordre est important, plus la sécrétion de testostérone est importante et plus la fillette va se comporter comme un garçon. C'est vraiment aussi bien décrit, en fait, dans la littérature. Et d'ailleurs, en plus, des études ont montré que les mères de fillettes très féminines présentent des taux de testostérone plus faibles durant la grossesse que celles des filles qui se comportent un peu comme des garçons, en fait. Donc ça aussi, ça a été bien, bien documenté. Alors, on va continuer, encore une fois, avec plus de preuves encore. Une autre preuve du rôle essentiel de l'imprégnation androgénique précoce sur le comportement humain, ça vient d'études portant sur les jeux des enfants, bien sûr, on reviendra un petit peu là-dessus, mais aussi de singes. On s'est aperçu que les primates non humains montrent des préférences similaires à celles des humains en ce qui concerne les jouets à caractère sexuellement orienté. Et cela suggère que les choix préférentiels des filles et des garçons font partie de notre patrimoine ancestral. Donc en fait, en d'autres termes, on s'est aperçu que sur des singes vervés, spontanément, si on leur donne des jouets à caractère sexuel orienté, des petites voitures ou des poupées, les femelles vont jouer avec les poupées. Et les garçons vont jouer avec les camions, en fait. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a une pression sociale, on ne peut pas dire qu'il y a eu le papa et la maman. C'est vraiment très spontané, en fait. Donc là aussi, je donne des références dans mon dossier. Alors, toutes ces recherches qui corrèlent le choix des jouets par l'enfant en fonction de l'exposition prénatale à la testostérone, donc elles remettent vraiment en question la notion selon laquelle l'attirance pour les jouets dits de garçons ou de filles dépend de l'éducation donc, et du contexte social. Alors, autre fait intéressant au point de vue biologique, il y a un biologiste qui est très connu, qui s'appelle Simon Levé, qui est lui-même homosexuel, c'est important de le préciser. Je le précise parce qu'en fait, si on regarde un peu les travaux qu'il a publiés et les réactions, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent d'être homosexuel dans le sens qu'il oriente les résultats de ses travaux. Bon, le débat est ouvert, donc c'est pour ça que je en toute honnêteté intellectuelle, je voulais le dire, il est lui-même homosexuel. Mais c'est vrai qu'il s'est posé beaucoup de questions et il s'est vraiment attaqué au problème de la différence du cerveau entre les hétéros et les homosexuels. Donc là aussi, je donne des références. Et là, le débat passe un petit peu à ce qu'on appelle souvent le sexe du cerveau. Et ce monsieur, Simon Levé, il a en effet découvert des différences de structure. Je vais en citer quelques-unes. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de documents là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a énormément de livres, de publications qui décrivent les différences entre le cerveau des femmes et le cerveau des hommes, en fait. Donc, on connaît donc maintenant beaucoup de différences physiologiques entre les homosexuels et les hétérosexuels. Donc, le débat autour de différences du cerveau, le sexe du cerveau, tourne forcément autour aussi donc des différences entre les cerveaux des homosexuels et des hétérosexuels. Alors, il a trouvé, par exemple, j'en cite quelques-unes, des différences de structure de l'oreille interne, des différences des empreintes digitales. Pour la plupart des gens, il y a plus d'empreintes digitales à droite qu'à gauche, et il se trouve que c'est encore plus vrai chez les homosexuels, en fait. Certaines aires du cerveau ont des structures différentes. Alors là, la liste est longue, mais surtout compliquée, donc je n'ai pas voulu aller dans les détails. Mais il y a des petites régions du cerveau qui sont différentes, et des régions bien écrites, hein, bien spécifiques. Il y a plus de gauchers chez les hommes homosexuels. Et puis, il y a aussi la longueur relative des doigts, et ça, on en parlera un petit peu à la fin. Les hommes homosexuels ont les mêmes capacités à raisonner en 3D que les femmes hétérosexuelles. Alors là, je suis un peu désolée pour eux, parce que si c'est comme moi, c'est carrément nul comme capacité. Moi, je suis incapable de voir en 3 dimensions, ou du moins de penser en 3 dimensions. Hein. Et apparemment, ben, les hommes homosexuels, ils sont un peu comme moi, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Un fait qui m'a paru intéressant aussi, et assez très éloquent, pour être un peu plus précise, j'ai voulu développer une différence qui se trouve au niveau de l'oreille interne. Et il s'agit des émissions dites auto-acoustiques, on les appelle les EOA. Donc c'est encore une fois une différence. Alors on a découvert donc qu'au niveau de l'oreille interne, en plus de sa fonction auditive, cette oreille, elle émet des sons sous forme de clics qui sont à peine audibles, en fait. Et chez les femmes, dès l'enfance, celles-ci en produisent plus que les hommes et en plus grande amplitude. C'est vrai d'ailleurs aussi chez des femelles, chez d'autres mammifères. On pense que la faiblesse de ces sons chez les mâles est le résultat de l'exposition aux androgènes pendant la vie fœtale. Et ceci a en fait été clairement démontré chez diverses espèces animales. Et un indice probant, intéressant, nous vient d'études sur l'hyène. C'est un bel animal, l'hyène. Et dans cette espèce, il se trouve que les femelles sont fortement masculinisées par les androgènes dans l'utérus et immédiatement après la naissance, et au point que leurs structures génitales sont à première vue semblables à celles des mâles. Le clitoris est tellement hypertrophié qu'on le prend pour un pénis, en fait. Et dans cette espèce, il se trouve que l'amplitude de ces sons, ce qu'on appelle les émissions auto-acoustiques, n'est pas plus grande chez les femelles que chez les mâles. Elle est même d'ailleurs légèrement inférieure. Et en plus, si on traite une mère en gestation avec des anti-androgènes, donc des hormones qui vont aller, des molécules qui vont aller contrer l'action de la testostérone, les petits présentent une amplitude des sons, des ondes supérieures à la normale. Ces résultats, d'ailleurs, ont été répliqués chez le mouton. Et on a aussi trouvé que chez les femmes homosexuelles ou bisexuelles, elles ont des ondes masculinisées qui suggèrent qu'elles ont été exposées à une concentration anormalement élevée de testostérone pendant la vie embryonnaire. Voilà, et c'était également le cas des femmes, c'est intéressant, qui ont été... Ah, j'ai encore dit que c'était intéressant, mais vraiment, ça m'intéresse, c'est pour ça, je suis désolée. C'est le cas des femmes qui ont vécu in utero avec un frère jumeau et qui donc ont été potentiellement exposées à un taux légèrement plus élevé de testostérone. Donc vraiment, tout s'accorde dans la même direction. Pour revenir un peu à la médecine, il y a de nombreuses maladies cérébrales qui montrent des différences sexuelles marquées entre les hommes et les femmes. Donc ça va dans le sens d'une différence de cerveau. Par exemple, l'autisme, la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer, qui sont des maladies dont souffrent plus les hommes que les femmes. Et beaucoup de ces maladies ont été associées avec une modification de l'équilibre de certains de ces composés chimiques à l'intérieur du cerveau qu'on appelle donc les neuromédiateurs. Alors, ces disparités sexuelles, elles suggèrent donc, encore une fois, un rôle important pour les hormones sexuelles dans l'origine de ces maladies. Par exemple, on sait qu'un taux faible d'estrogène est associé à un risque accru de schizophrénie. Alors, je ne dis pas qu'il y a un facteur de cause, mais il y a une corrélation. Donc, ça va encore dans le sens du rôle des hormones sexuelles dans ce cas-là. J'ai trouvé aussi des arguments évolutifs très, très intéressants. Alors, toujours selon Jacques Balthazar, je le cite ici, j'ai trouvé des écrits et je vois pas pourquoi je modifierais ce qu'il écrit parce que c'est très bien dit. Donc, voilà, je le cite. Il y a une continuité évolutive des espèces. En effet, l'aire préoptique, dont c'est une aire dans le cerveau bien définie. Donc, dans cette partie du cerveau, il existe chez l'homme, comme tout chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons. Donc, cette aire existe, on la voit dans toutes les espèces. Or, le rétablissement d'un comportement sexuel chez le mâle castré, donc on a enlevé, par exemple, les testicules au mâle qui ne va plus produire de testostérone. Mais si on lui réimplante de la testostérone dans cette aire du cerveau, cela a été effectué chez toutes les espèces d'oiseaux et de mammifères, on a pu, donc en réinjectant de la testostérone, rétablir un comportement sexuel. Donc, le fait que l'on puisse manipuler l'orientation sexuelle d'animaux de notre famille, les mammifères, en intervenant sur le cerveau, est un argument clé, parce que l'orientation sexuelle est un caractère sexuellement différencié. Voilà, donc j'ai essayé de faire une synthèse donc de tous les arguments qui semblent donc bien, à mon avis, qui sont des preuves du rôle des hormones dans l'orientation sexuelle. Alors, comment ça marche pour expliquer à partir de là qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait que chez l'homme, initialement, les embryons sont bipotentiels. C'est-à-dire qu'au début de la grossesse, un embryon n'est ni femelle ni mâle. Et qu'on sait aussi que l'information portée par le chromosome Y, c'est cette information qui va déclencher l'activation des testicules du fœtus. Et à 8 semaines de grossesse, ils produisent de la testostérone à des taux similaires à ceux du mâle adulte. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Par contre, les ovaires fœtaux ne produisent que très peu de testostérone. Et donc il en résulte une différence sexuelle très marquée au niveau du taux de testostérone au cours de la gestation dans l'espèce humaine. Donc en d'autres termes, dès 8 semaines, un fœtus mâle produit beaucoup de testostérone. Et donc la présence dans le cerveau en développement de récepteurs à la testostérone donc, et d'autres hormones mâles permet aux hormones de modeler le développement du cerveau en orientant le comportement ultérieur tout au long de la vie. Alors, les effets sur les comportements semblent dépendants de la testostérone et de ses dérivés, qui contrôlent donc les processus basiques du développement du cerveau chez les rongeurs, mais aussi chez les humains. Et là, encore une fois, je donne des références scientifiques. Et il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent que, en fait, ces hormones, elles permettent de, elles ont un rôle régulateur sur les neurones et elles orientent le développement du cerveau en permettant à certains neurones de vivre ou de mourir. Elles déterminent leur connexion et la nature de leur identité neurochimique. Donc vraiment, c'est très connu. On sait que dans le cerveau, il y a énormément de récepteurs aux hormones sexuelles, estrogènes, testostérone, et on connaît leurs effets. On sait comment ils ont un rôle très important au niveau du développement. Donc ainsi, au cours de la petite enfance, on pense que les hormones organisent le cerveau. Et quand je dis organise, c'est vraiment que les hormones agissent sur les neurones et c'est presque, j'allais dire, un permis de vivre ou de mourir. Les mâles sont exposés à des niveaux élevés de testostérone sécrétés par leurs testicules et qui montrent plusieurs pics. Donc, au début de la vie embryonnaire, on l'a vu, juste après la naissance et bien sûr à la puberté. Les femelles, au contraire, se développent en l'absence de ces niveaux élevés de testostérone. Donc, dès que la phase d'organisation au cours de la grossesse est achevée, le sexe cérébral est fixé définitivement et requiert simplement à la puberté que les deux hormones sexuelles appropriées, estrogène, testostérone, etc., viennent activer le comportement correspondant. Alors enfin, pour finir ce dossier sur l'orientation sexuelle, je voulais finir par une question qui revient parfois, c'est que si cette composante biologique est forte, donc on a vu, il y a quand même pas mal de preuves qui viennent corroborer cette observation, comment est-ce qu'on peut l'expliquer du point de vue de la théorie de l'évolution ? Pourquoi l'homosexualité existe-t-elle ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Je vais en proposer deux. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait une meilleure que l'autre à ce niveau-là. Je pense que les débats sont totalement ouverts. Le vrai sujet, c'est quand même bien sûr l'homosexualité exclusive. Pourquoi est-ce que... Comment expliquer que l'évolution qui vise par essence à maximiser la reproduction et permis l'apparition et la persistance de l'homosexualité. C'est quand même une bonne question et encore une fois, le débat est ouvert. Il y a quand même des espèces, il y a au moins une espèce animale qui est uniquement homosexuelle, c'est le mouton des montagnes rocheuses. Chez elle, l'espèce est uniquement homosexuelle, en fait. Enfin, pas uniquement. Il existe des mâles qui sont uniquement homosexuels. Je ne vois pas comment elles se reproduiraient sinon, mais néanmoins, il existe donc des espèces animales chez qui on a constaté que certains mâles étaient uniquement homosexuels. Alors, il y a une hypothèse. Honnêtement, je suis assez partagée, mais il y a celle d'une hypersexualité des femmes à parier. C'est-à-dire qu'il y a une étude récente qui montre que les mères, les grand-mères, les tantes ou les cousines d'hommes homosexuels ont plus d'enfants que celles des hétérosexuels. Donc là encore, c'est un fait, ce n'est pas du tout un concept. On a remarqué que les mamans d'hommes homosexuels ont plus d'enfants que celles des hétérosexuels. On ne sait pas si c'est un facteur encore évolutif ou non, mais ça va dans le sens d'une sélection qui favorise les gènes qui prédisposent à l'homosexualité. Il y a une autre hypothèse qui serait que les homosexuels, dans les conditions difficiles de l'évolution, ont aidé leurs parents proches à assurer la survie de leurs enfants. Bon, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. J'en parlais récemment avec des amis qui m'ont dit que c'était aussi peut-être... Ça va un petit peu dans le contresens de l'évolution, mais après tout, pourquoi pas? C'est peut-être aussi un facteur de régulation quand il y a trop d'enfants sur la planète. Finalement, il y a peut-être l'évolution qui est basée sur la reproduction sexuelle. Elle a peut-être aussi des moyens de régulation. Et peut-être que finalement, la nature a introduit l'homosexualité pour venir réguler peut-être s'il y a trop d'enfants dans une population. Je ne sais pas. Et enfin... Pour conclure vraiment ce dossier, je voudrais quand même être, par souci d'honnêteté intellectuelle, dire qu'il y a des chercheurs qui réfutent absolument ces données et ces affirmations, hein, qui vraiment... Alors, honnêtement, ça me surprend, mais je pense notamment à la très célèbre et très médiatisée Catherine Vidal, qui est un docteur en neurologie, qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur, et dont les travaux de recherche ont notamment porté sur le rôle du cortex cérébral, sur la mémoire. Elle a reçu en 2006 le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est une femme qui est féministe convaincue, et donc je l'admire pour ça. En revanche, elle réfute complètement l'origine biologique du sexe du cerveau et elle ne voit dans ses comportements que les conséquences de pression sociale et familiale qui agissent pour elle dès la gestation sur le fœtus. Et là, puis, si je ne me trompe pas, Alan sera même là pour me corriger. Il y a un épisode en plusieurs morceaux dont on avait déjà parlé dans le podcast de Sépicis Scientifiques où Nicolas Gauvry discute d'arguments que peut avoir Catherine Vidal, justement, de savoir le vrai du faux, enfin, scandale à justement la communauté scientifique. C'est hyper intéressant. C'est pas exactement sur l'orientation sexuelle, c'est sur les différences, enfin aussi un peu parce que c'est sur les différences hommes-femmes, donc c'est en fait sur le sujet, mais enfin voilà, c'était juste en complément de ce que tu disais là. Ouais, en fait, en résumé, elle fait preuve de ce qu'on appelle un biais d'autorité, c'est-à-dire qu'en tant que chercheuse, en tant que scientifique légitime pour parler, elle s'exprime, mais ce qu'elle dit derrière n'est pas vérifié scientifiquement. Donc ça relève plus du militantisme que de la science. Voilà, enfin, alors, pas vérifier, c'est un peu fort de dire ça. Ce que j'en ai compris, moi, c'est surtout que c'est exagéré, quoi. Elle utilise des formules comme font certains scientifiques qui ont décidé d'arrêter de biais d'autorité. Donc c'est pas complètement faux, mais c'est très très loin d'être vrai. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que elle part d'un... Son point de vue, j'ai envie de le louer parce que c'est vrai qu'on a tendance à établir dans nos sociétés parfois des différences entre les hommes et les femmes et les obliger, notamment les femmes, à dans certaines directions où peut-être qu'elles ont... Elle serait peut-être pas allée. Donc, dans ce sens, je comprends bien, mais c'est vrai que apparemment, il y a beaucoup de ses pairs hein, qui effectivement contestent sa méthode scientifique, ouais. Absolument. Ce, oui. Ce que ça intéresse, écoutez vraiment ces épisodes parce que vous allez tout à fait comprendre le problème. C'est que, en gros, en effet, ce qu'a dit est plutôt faux, mais l'explication de Nicolas Gauvry et des scientifiques en fait est assez inaudible. C'est-à-dire qu'elle, elle a un message qui est plutôt simple à comprendre, qui est de dire « il n'y a pas de différence ». Le message scientifique, c'est de dire « il y a des différences, elles sont dures à mesurer, elles sont statistiques, elles ne sont pas dans tous les cas, elles sont un peu dans tous les côtés ». Et du coup, c'est complètement inaudible. Et ouais. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir ces deux choses. Parce que si on a, en fait, le grand risque là-dedans, et qui explique pas trop mal aussi dans cet épisode Nicolas Gauvry, c'est d'aller dire, et c'est pareil pour l'homosexualité, d'aller dire il n'y a pas les mêmes cerveaux chez les homosexuels ou chez les hommes et les femmes, bah, ça amène à parler de supériorité et d'infériorité. Ça amène aussi, quand on dit tout ce que tu disais, alors là, je prévois des questions d'auditeurs qu'on va avoir tout de suite, hein, mais de dire il y a eu une différence au moment de la création de l'enfant où il y a des différences hormonales, on se dit est-ce qu'on peut pas corriger ? Enfin, ça amène tout plein de débats qui peuvent être très problématiques, souvent par une mécompréhension de ce que veulent dire il y a des différences, parce que typiquement, alors je sais pas quelles sont les différences cérébrales dont tu parlais, mais dans le cas homme-femme, globalement, c'était des différences statistiques qu'on observait quand on prenait un très grand large tas d'individus, et ça voulait pas du tout dire que quand on prenait au hasard un homme et une femme, on pouvait dire qu'il y avait une différence et on pouvait dire dans quel sens elle était, quoi. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et j'imagine que, enfin, j'espère qu'on va parler effectivement des dérives éthiques possibles, etc., dans le débat, mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand tu as fini ton dossier, il y a plein de questions. Ça... Ah, bah, super. J'espérais bien qu'il y en aurait plein. Et puis, ben, évidemment, il faut citer toutes les récupérations politiques, hein, comme on a pu le voir en début de l'année avec la théorie des genres qui a créé des débats quelque peu violents au sujet de l'école. Avec, Alors là-dessus, on le rappelle, j'espère ne pas dire conneries, mais je suis pratiquement certain, théorie du genre est un mot faux. Il n'y a pas de théorie du genre, ça n'existe pas. Hein. Juste à titre informatif pour ceux qui se poseraient la question. Hein. Oui, je disais donc, effectivement, après, c'est une sorte d'ersatz, en fait. Ça a été créé par la droite catholique française qui s'inspirait, en fait, des gender studies des États-Unis, qui est pas du tout, qui est en fait des. C'est très étudié à l'école, enfin, dans les facultés, dans les universités aux États-Unis, les gender studies. Et en fait, ça a été repris en France et complètement déformé, parce qu'au début, c'était vraiment. Le départ, le but c'était d'enseigner, de questionner l'égalité des sexes, mais certains ont carrément vu rouge et ont construit des affabulations pas possibles autour de ce projet, et vraiment ça a été une dérive pas possible, je trouve. Mais c'est vrai que ça n'existe pas, cette théorie, pas du tout. C'est vraiment parti des cours dans les universités américaines où on parle de la condition de la femme, j'allais dire. Donc c'est un peu c'est intéressant, quoi. C'est un débat qui est vraiment chaud, je trouve. Voilà, et puis ben, pour finir, on va quand même finir sur une note sympathique, et je voulais vous parler du fameux indice de Manning. Alors fameux, je ne sais pas si vous connaissez, mais néanmoins, les recherches ont montré, donc c'est très sérieux ce que je vous dis, hein, que la longueur de l'index est directement influencée par la quantité d'estrogène dans le fœtus humain. Tandis que la longueur de l'annulaire est influencée par la testostérone. Alors, eh bien, la conséquence, c'est que, outre le niveau d'exposition à l'un et à l'une et à l'autre de ces hormones, eh bien, il en résulte que l'annulaire renferme davantage. Sachant aussi que l'annulaire renferme davantage de récepteurs à la testostérone et que ces récepteurs donc à la testostérone reçoivent donc des concentrations élevées de testostérone. Donc, ce doigt se développe plus au cours de l'embryogenèse. Ainsi, et en raison de cette relation entre l'exposition aux stéroïdes sexuels et la longueur de l'index et de l'annulaire, la recherche montre que si vous faites le rapport de la longueur des doigts entre votre index et votre annulaire, vous pouvez en déduire certains faits. Le rapport serait d'en moyenne 1 chez la femme et de 0,96 pour les hommes. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la longueur de ces deux doigts serait un indice qui renseigne sur le degré d'exposition aux hormones sexuelles au stade fœtal. Mais on sait aussi que ce ratio est corrélé avec la longueur du sexe. Voilà, on sait que l'exposition donc à ces des stéroïdes influe sur divers aspects morphologiques, sur la symétrie du visage, sur la bien sûr sur les différences de comportement, mais cela indique aussi donc il y a une bonne corrélation avec la taille de votre pénis, messieurs. Donc en conclusion, avoir de grands doigts ou de petits doigts ne va pas permettre de prédire la taille du sexe. Par contre, le rapport entre la taille de l'index et de l'annulaire, cela peut fournir certaines informations donc sur la longueur du pénis. Donc je résume, plus un homme a un index court par rapport à son annulaire, plus il aura un long pénis. Et puis, si cela vous amuse aussi ou vous intrigue ou vous inspire, sachez aussi que la distance anogénitale, donc entre votre anus et votre pénis, est aussi une mesure utilisée pour traduire le taux de certaines hormones auxquelles l'individu a été exposé pendant la grossesse. Voilà, sur ce, je vous laisse tous à vos maîtres de couturier, messieurs, et j'attends vos questions. Ah ben, belle mentalité, là. Du coup, on n'a pas de questions, on est tous en train de se mesurer. Eh oui, bien sûr. Bon, donc dans la chatroom, on vous laisse balancer vos ratios. Hein. On va faire un classement général qu'on mettra dans les notes de l'émission. Les filles peuvent participer aussi. Hein. Absolument, absolument. Peut-être qu'on va découvrir des choses comme ça. Et oui, j'espère bien. Super intéressant. Moi, je suis encore tout chamboulé de résultats d'études que tu donnes. Je vais aller voir les sources parce que j'arrive même pas à croire que je suis encore en train de me dire qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'on entend et compagnie. Mais il y a des choses assez incroyables dans ce que tu as raconté. On a plein de questions d'auditeurs dans la chatroom. Je vais laisser commencer Alan. Alors, on a beaucoup de questions de Pingouin. La première qu'il a lancée, c'était pendant que tu parlais de l'influence des hormones sexuelles pendant la grossesse sur le fœtus. Tu parlais de comportement mâle pour une femelle. Puis Pingouin, c'est plus une remarque qu'une question en fait, dit comportement mâle pour une femelle et orientation sexuelle, ce n'est pas forcément lié, si. Il y a une corrélation, on va dire. Alors attends, entre l'orientation sexuelle et le comportement masculin ou féminin, c'est ça, c'est la remarque. La question, c'est, t'as parlé de comportement mâle pour une femelle. Ouais. Et puis il demande si l'orientation sexuelle est forcément liée. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement mâle en fait? C'est un comportement sexuel typiquement mâle pour une femelle, c'est-à-dire une préférence pour les femmes de la part d'une femme. C'est ça que tu voulais dire en parlant de comportement mâle? Non, en fait, je pensais plutôt à ces filles qu'on appelait, j'ai toujours eu horreur de cette expression, les garçons manqués, en fait. Elles se comportent comme des garçons, elles préfèrent jouer avec les jeux de garçons, elles sont attirées par les filles, elles vont plutôt aller grimper dans les arbres que jouer à la poupée, quoi. Donc, c'est plutôt ça, le comportement mâle, en fait. Et après, il y a une gradation jusqu'à être homosexuel. Et c'est vrai que moi, personnellement, mon expérience, c'est que lorsque je rencontre des femmes homosexuelles, parfois, c'est tout à fait, j'allais dire, évident. Même dans la démarche, la façon dont elle marche, la façon dont elle se coupe les cheveux, la façon dont elle s'habille, il y en a, je suis sûre, je le vois jamais parce qu'il y a une gradation, je pense. Il y a un comportement plus ou moins appuyé, en fait, hein, je pense. D'accord. Bon, j'ai un petit peu de mal avec cette notion de gradation. Ça veut dire que toutes les filles qui ont ce côté garçon manqué, elles sont pas forcément homosexuelles, je pense. D'accord. Mais toutes les filles homosexuelles alors auraient forcément ce côté garçon manqué? Enfin, je vois pas où est la gradation. Je pense qu'en fait, il y a une notion aux États-Unis qui s'appelle le queer, où en fait, effectivement, définir l'homosexualité, c'est pas toujours facile ou le comportement sexuel, parce qu'en fait, tout est possible finalement. Je pense qu'il y a des filles qui sont très féminines et qui sont homosexuelles, et il y a des filles très masculines qui sont homosexuelles, et il y en a qui vont, il y a des filles très féminines qui sont hétérosexuelles. Donc je pense que tout est possible, et il y a pas, je pense pas qu'on puisse mettre chiffrer quantitativement tout cela. Je pense que c'est très, il y a tout cela se fait sur un mode de gradation qui est continu en fait. C'est surtout ça, je pense. Je le vois comme ça en tout cas. Peut-être pour répondre à Alan, du coup, si je reformule, quand tu dis gradation, c'est qu'en gros, tu dis qu'il peut y avoir plus ou moins de comportements qu'on va appeler masculins, et dans comportement masculin, tu vas mettre à la fois jouer au camion quand on est une fille ou avoir une préférence pour les filles, indifféremment, en disant tout ça, je classe ça dans le comportement masculin. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, Alan. Ouais, sans doute. Et du coup, la gradation entre guillemets, ce serait de dire une fille qui non seulement a joué au camion dans son enfance et est homosexuelle aura un comportement masculin plus fort qu'une fille qui est que homosexuelle ou qui a que joué au camion, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Ouais. Ce qui ne veut pas dire du coup qu'il n'y a que des filles masculines qui sont homosexuelles ou etc., quoi. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile hein, de mettre des définitions bien établies parce que encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de nuances en fait. Hein. Mm-hmm. Bah c'est un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que indépendamment du fait que pour moi c'est effectivement compliqué de dire qu'un trait de caractère est masculin ou féminin parce que enfin, il y a un côté extrêmement subjectif, quoi, et culturel et tout ça. C'est aussi de toute façon très compliqué de faire des échelles. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire se repérer plus ou moins bien en 3D ? Il y a des gens sont, par exemple, bons pour tout ce qui est jeu de construction, un truc comme ça, et vont se paumer en ville ou dans un bâtiment. Enfin, c'est pas forcément les mêmes. Ouais, alors. C'est très compliqué. Mais là-dessus, t'as. Un truc précis sur lequel tu puisses mettre une échelle. Là-dessus, c'est hyper compliqué, quoi. T'as des gens qui essayaient de mesurer l'impact d'une hormone. Et du coup, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient pour mettre une métrique de ce côté-là, qui serait un sujet de recherche à lui-même, de dire quelle métrique on peut mettre à la masculinité et tout ça. C'est que je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux pour mesurer quelque chose. Après, c'est en effet hyper discutable, quoi. Bah, c'est hyper compliqué. En plus, il y a quand même une question d'habitude et tout. Enfin, te repérer en campagne, te repérer en ville, par exemple, ça n'a rien à voir. Par contre, même si c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est intéressant de se dire je ne mets pas plus particulièrement qu'autre chose la sexualité. Je lise des comportements que je classe en effet. Donc là, il y a un choix délibéré dans une catégorie qui est de dire plus masculin, plus féminin. Mais je ne mets pas la sexualité à part, quoi. Je mets tout ça dans un gros bloc de comportement qu'après, j'assimile à masculin ou féminin, quoi. Ouais, je suis bien d'accord, en fait. C'est une bonne façon, à mon avis, de le présenter, effectivement. Ouais. Un ensemble de critères. Ouais. Même si après, du coup, il y en a qui sont plus discutables que d'autres. C'est vrai qu'après, on pourrait discuter des heures de savoir si c'est normal de dire que jouer au camion, c'est masculin, quoi. Et oui. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, à mon avis, il y a un facteur social hein, qui existe, une pression sociale. Sauf avec ton étude des singes, là. Moi, je suis épaté que des singes préfèrent des jouets féminins ou masculins. Je ne comprends pas comment ils font la différence, quoi. Et ouais. Non, mais c'est fou, hein. C'est incroyable. Hein. Mais je pense qu'il y a une pression dans ce sens qu'on a tendance à... Moi, il y a plein de mamans, dès qu'elles savent qu'elles vont avoir une fille, ça y est, elles n'achètent que des vêtements roses ou que des vêtements bleus si c'est un petit garçon. Donc, il y a quand même un effet, je pense. Il y a quand même eu des études psychologiques, dont là, je ne me souviens plus les références, mais qui montrent que la maman, dès la naissance, va porter son enfant dans ses bras d'une façon différente selon que c'est un garçon ou une fille. Donc ça existe, je pense aussi. On peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a tellement de preuves de facteurs indépendants de cette influence familiale et sociale que je pense que les ignorer maintenant, moi, bon, ça m'épate. De toute façon, je pense que c'est un sujet ouvert. Il y a plein de gens qui discutent là-dessus. Autant qu'on passe aux questions suivantes, à mon avis, parce que on va très vite tomber dans le débat de comptoir. Ouais. Robin, une question ? Non, ouais, enfin c'était celle-là. Enfin, j'ai posé deux questions, mais qui étaient exactement ce qu'on vient de discuter. Donc c'est pas la peine de. Enfin, c'est voilà, sur le comportement féminin masculin et attirance homme-femme, il me semble que ça peut très bien ne pas être corrélé du tout. Ça, on vient de le dire. Et en plus, discuter ce que ça veut dire féminin masculin, puisque c'est quand même très très culturel de savoir ce qui est féminin et ce qui est masculin comme comportement. Et puis, l'autre truc que je voulais dire aussi, c'était que le côté... Mais bon, ça, après, c'est l'effet étude scientifique, mais de dire les homosexuels se comportent plus comme ci, plus comme ça, etc. Ça va contre cette idée de continuité dont tu parlais à la fin, là. Et moi je vais plus que de la continuité. J'imagine un espèce de gros bordel où c'est quand même très compliqué, suivant les facteurs. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, de toute façon... Du coup, ça me paraît effectivement très compliqué si on ne se fixe pas un truc extrêmement précis, qui est un facteur. J'ai l'impression que quand on est à multifacteur, on prend le risque de savoir de quoi on parle. Irène, tu as mis les références vers tes sources dans le dossier. j'imagine. Oui, j'en ai mis beaucoup. Peut-être que ce que tu pourrais faire sur les sources, je ne sais pas si tu l'as fait, c'est aussi dire si elles sont accessibles ou pas pour les gens qui n'auraient pas un gros background scientifique. Ah oui, d'accord. Ça peut être bien parce que je pense que c'est assez intéressant d'aller voir certaines sources si on est intéressé par le sujet parce que, oui. Comme tu disais, il y a des détracteurs et de toute façon, c'est des choses très compliquées à faire parce que ça touche de l'humain, parce que ça touche de l'impact, de l'influence de la société et compagnie. Donc, le mieux, si ces trucs nous intéressent ou nous font réagir, bah, c'est d'aller fouiller, d'aller s'informer encore plus, quoi. Oui. C'était une présentation d'études que tu faisais et c'est pas la vérité absolue, quoi. Non, j'ai mis aussi en référence des sites internet en français qui sont très simples. Alors, c'est vrai que on peut toujours aller questionner même ces sites. Hein. Évidemment qu'internet, il n'y a pas que la vérité sur internet. C'est comme Wikipédia. Il faut toujours avoir un œil critique. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de données maintenant. Effectivement. Donc ça, oui, tout ça, ça sur le dossier hein, écrit. Hein. Après, on a une autre question de Pingouin. Hyper intéressante, je trouve, parce que c'est un peu le réflexe qu'on pouvait avoir à certaines choses que tu présentais. Donc, je te laisse, Alan, y aller. Ouais, il demandait si on peut dire que les modifications hormonales chez l'embryon qui conduisent à l'homosexualité sont normales, entre guillemets. C'est une question pas innocente, car certaines organisations aux États-Unis prétendent guérir, toujours entre guillemets, de l'homosexualité. Et puis, un petit moment plus tard, il a reformulé en disant... Peut-on imaginer que l'orientation sexuelle pourrait être modifiée par les hormones à l'âge adulte ? C'est une question pas innocente non plus. Enfin, c'est toujours la même question. Et pas innocente, et je trouve hyper intéressante, parce que tu as bien expliqué que les hormones ont un impact, a priori qu'on commence à pouvoir mesurer un impact là-dessus. Et du coup, on comprend mieux pourquoi il y a eu des époques où on mettait des hormones pour essayer de guérir, entre guillemets, l'homosexualité. Donc, c'est peut-être intéressant d'en parler un peu. Et puis, une petite pensée pour Turing. Hein, Oui, bien sûr. Qui est une preuve que ça ne fonctionne pas follement. Quoi. Non, mais c'est juste, ça ne fonctionne pas. C'est une bonne question. C'est-à-dire que ça rejoint la question de la normalité. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. On peut aussi imaginer que juste, il a été rendu extrêmement malheureux d'avoir été modifié dans ce qu'il était. Ça peut être. Enfin, c'est pour ce qu'on appelle marcher ou pas marcher, quoi. Accepté tel qu'il était aussi. Oui, mais il faut quand même être extrêmement clair. Toutes ces thérapies. Enfin, soi-disant thérapies destinées à faire changer l'orientation sexuelle sont systématiquement un échec et ça se termine par un taux de suicide absolument hallucinant. Il faut être super clair là-dessus, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi et ça a des effets désastreux sur la personne et c'est pour ça que ça cause le suicide en général. Ça doit créer des troubles à la personnalité pas possible. Hein. Bien sûr. Et physique aussi en plus. J'ai vu... Où est-ce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps? J'ai vu un document sur des parents dont l'enfant était né fille. Et au cours du développement, très tôt, cette petite fille, elle s'est comportée comme un garçon. Et elle a eu la force de caractère de très tôt de le revendiquer auprès de ses parents. C'est-à-dire que même à 6-7 ans, elle disait « Mais moi, je veux être un garçon, je veux être un garçon. » Et finalement, les parents l'ont totalement accepté. Et c'est un document sur Internet, je ne sais plus où je l'ai vu. Et c'était fantastique parce que les parents ont documenté ça avec beaucoup de photos et on voit tout d'un coup la transition de cette petite fille en petit garçon. C'est-à-dire qu'ils l'ont habillée différemment, ils ont coupé les cheveux différemment. Et c'est cette personne qui a témoigné et il disait combien il était heureux, en fait, d'avoir eu des parents comme ça qui l'ont accepté et qui lui ont permis d'être qui voulait être, en fait. C'est vraiment fantastique. Ouais, je pourrais sans doute te retrouver la source. J'ai lu ça dans un bouquin aussi, j'ai dû le highlighter. Mais je ne me rappelle pas comme ça d'emblée non plus. Il y a juste Pingouin qui nous signale dans la chatroom que là, on est en train de parler d'identité sexuelle et plus d'orientation sexuelle et que c'est un autre sujet. Oui. Et Citron Vert vient de poser une question qui me semble vachement pertinente. Est-ce qu'on peut guérir de l'hétérosexualité? Mais ce n'est pas une maladie. Et on parlait tout à l'heure d'éthique au point de vue changer le sexe des enfants. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu peur qu'un jour, on arrive avec l'idée, par certains parents suivis par le corps médical, de vouloir changer in utero l'orientation sexuelle des enfants. C'est-à-dire que si des parents s'aperçoivent que leur petit garçon va être homosexuel et qu'ils n'ont pas envie, ben, ils vont essayer de modifier ça. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est, d'un point de vue éthique, c'est un peu dangereux, je pense. C'est une dérive qui me fait un peu peur. Ouais, et puis, ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est qu'en plus, ce serait du grand n'importe quoi. Parce que quand tu dis que ça a un impact, il faut rappeler qu'on est dans de la biologie. Donc, un impact, ça veut dire un impact statistique sur un certain pourcentage de cas, et que c'est pas du tout déterministe. C'est pas parce que il y a plus de testostérone pendant une grossesse que c'est sûr le gamin va être homosexuel ou hétérosexuel ou machin. Donc absolument. Faut faire hyper attention. Enfin, on met toutes les pincettes là dans le après-dossier, mais c'est important de retenir ça. C'est surtout dans les études de bio, c'est des stats la plupart du temps. Oui. Du coup, il n'y a aucun déterministe. Même si on a un résultat qui est à peu près clair, du genre le résultat des singes que tu disais qui préfèrent les jouets et compagnie, c'est toujours un résultat statistique. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas un contre-exemple et ça n'empêchera pas même beaucoup de contre-exemples. Oui, je suis bien d'accord. Et en plus, pour aller encore plus dans cette direction, la testostérone, ça joue un rôle, mais il y a d'autres hormones qui jouent des rôles aussi. Donc, ce n'est pas la seule, en fait. Donc vraiment, oui, je suis complètement d'accord. À mon avis, c'est super dangereux. Il y avait une question de Pingouin qui demandait « Que pensez-vous du gène gay qu'on avait soi-disant découvert il y a quelques années ?» Je n'ai pas entendu parler de ce truc. Alors, je sais pas si Irène, tu veux répondre. Ah, il y avait dans le livre dont on parle assez souvent sur ce podcast, L'imposture scientifique en 10 leçons de Michel Dopracontal. Il y a une partie d'un chapitre qui parle justement de ça et qui donc serait n'importe quoi en fait. Qui serait n'importe quoi et que, en fait, il en parle dans le chapitre où il veut dire que les chercheurs peuvent être influencés par leurs convictions. Et c'était quelqu'un qui était très pro droit des homosexuels. Et qui s'est servi d'ailleurs de cette recherche du gène gay pour témoigner à plusieurs procès de personnes au moment où c'était des procès dans certains États où il y avait encore des lois anti-sodomie. Et donc il s'est servi de ces recherches en disant qu'il ne pouvait pas. Mais donc c'est vrai qu'effectivement ça a été plus ou moins assez mal reçu par la communauté scientifique qui. Il est maintenant donné en exemple dans un bouquin qui s'appelle L'imposture scientifique. Donc. Non, c'est vrai que ça me fait penser au fait que, effectivement, en psychologie, c'est bien connu, hein, quand on a une opinion bien établie, on essaie toujours de trouver les preuves qui vont dans ce sens. Après, dans le dossier, j'ai parlé un peu de l'existence d'un facteur génétique, effectivement. Et puis, d'un côté, c'est vrai que j'ai jamais entendu parler du gène gay, donc je ne sais pas. A priori, je pense que c'est de toute façon tous ces gènes qui donnent des comportements très clairs avec un seul gène. En général, c'est des conneries. Hein. Il y a eu le gène de l'intelligence aussi à une époque. Je l'ai raté celui-là, carrément. Il a été présent au Palais de la Découverte au tout début parce qu'on croyait que ça existait, puis on s'est rendu compte que c'était une connerie, il n'est plus présent au Palais de la Découverte. Le mec s'appelle Dean Hammer et il a publié un Science en 93 sur ça. Waouh, putain. Ouais. Voilà, je si tu veux te regarder. Oui, ça m'intéresse, surtout que c'est un des autres problèmes de la science, effectivement, c'est que Science, c'est quand même soi-disant une revue qui fait référence. Les articles sont c'est très dur de publier, etc. Et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de bêtises. Mais bon, c'est un autre sujet. Sinon, on avait des questions de Citron Vert sur pas un mot sur l'asexualité, sur la pansexualité. Est-ce que ça s'explique d'un point de vue des hormones? La pansexualité, c'est-à-dire en... Je sais pas. Eh bien, je ne sais pas non plus, en fait. Alan, tu saurais ce que ça veut dire? Johan, Robin, quelqu'un sait? Je sais pas, il y a eu toute une discussion dans la chatroom sur toutes les diverses sexualités. J'avoue que j'ai abandonné en cours de route, il y en avait trop de différentes. Bah, ce sera le sujet de la asexualité, ça va. Asexualité, j'ai à peu près une idée de ce que ça peut vouloir dire quand même. Ça, c'est pas trop compliqué. Oui, il y a des gens qui éprouvent aucun désir sexuel physique, en tout cas. Bon, et la question, c'est est-ce qu'il y aurait une explication possible hormonale à ça? Oui, c'est vrai que autant que je sache, bon, je me suis pas intéressée vraiment en détail, mais on sait quand même que une grosse partie du désir sexuel est liée aux hormones sexuelles. Donc, une baisse des hormones sexuelles engendre une baisse de la libido, effectivement. D'ailleurs, je sais pas comment c'est en Europe, mais aux États-Unis en ce moment, c'est très à la mode que les hommes se mettent des gels de testostérone sur le corps. Les femmes, il y a certains médecins qui leur prescrivent de se mettre du gel de testostérone sur le sexe pour augmenter leur libido, par exemple. Oui, donc ça fait un peu peur. Et ça marche. Hein. Enfin, je veux dire, ça passe la barrière de la peau. Ça a un effet un Oui. peu... Ah ouais, d'accord. Oui. Okay. Alors, il y a beaucoup... Du coup, je me suis un petit peu renseignée. Mais c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'effectivement une injection de testostérone chez la femme augmente sa libido, hein. Et donc il y a des médecins qui s'amusent à prescrire de la testostérone en gel chez les femmes et leur disent allez vous mettre ceci sur le sexe parce que ça aussi va augmenter votre pilosité, donc tant qu'à faire il vaut mieux le faire là qu'ailleurs, quoi. Citron Vert nous a précisé dans la chatroom dans l'intervalle que la pansexualité c'est l'attirance indépendamment du sexe. Mais enfin, globalement, moi, j'ai l'impression qu'il y a des différences assez énormes entre les définitions qu'on trouve dans la littérature scientifique et puis ce qu'on peut trouver dans les mouvements militants, enfin tous les trucs liés aux questions de genre, d'identité, d'orientation sexuelle. Typiquement sur les chiffres que tu donnais au tout début, Irène, oui. Les 3-4% mm-hmm. d'hommes homosexuels, 1-2% de femmes, moi, j'ai lu exactement les mêmes trucs en lisant Simon Levet, par exemple. Et tout ce que j'ai pu lire dans de la littérature scientifique, c'est toujours ces chiffres-là. Et dans les associations homo, dans tous ces groupes un peu militants, on parle toujours de 10 à 20%. Tu vois, ça c'est une des différences. Mais ça, c'est selon la police, c'est selon les manifestants. Un petit peu, ouais. La notion de bisexualité, par exemple, dans la littérature scientifique, c'est comme si elle n'existait pas, elle est niée. Pour Simon Levet, par exemple, on est soit hétéro, soit homo, et puis si on est bisexuel, c'est que on est homo, pas tout à fait décidé ou un truc comme ça. Alors je sais pas qui a raison, qui a tort. De toute façon, la science aussi est faite par des humains qui ont aussi des préjugés, qui sont aussi dans un conditionnement. À mon avis, il y a aussi que dans la pratique scientifique, pour avancer, on a besoin de poser des définitions claires. Ouais. Et je pense que les bisexuels sont des sujets d'études plus complexes. Du par le fait qu'il y a beaucoup plus de choses possibles que de dire je vais prendre des cas d'homosexuels purs et durs, depuis le début, qui n'ont jamais connu. Tu vois, pour étudier au début, tu prends toujours des cas plus simples avant de partir dans la généralité. Exactement. Quoi. C'est exactement ce que je me dis. Qu'on en est à un stade où tout ça est tellement frais encore, même en science. Les travaux de Levet, ils remontent à une vingtaine d'années seulement. Il était vraiment pionnier dans le domaine. Je crois qu'on en est encore à la définition de modèle. Quoi. On essaye de comprendre ce qui se passe et puis on reste encore dans des scénarios relativement simples. Non, parce que là, de toute façon, on voyait bien que même comportement masculin et féminin, on n'était tous pas d'accord sur ce que c'était, comment le définir et compagnie. Donc, on n'en est vraiment pas loin. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai que, enfin, moi, après, c'est des convictions totalement personnelles. Je n'ai pas de base scientifique, mais je pense que les chiffres, ils vont vraiment grandir avec le temps. Quand l'acceptation sera totale et tous les comportements seront acceptés, je pense que. Vraiment, il y aura pas de. Je pense que les statistiques vont, à mon avis, vont augmenter. Ouais, moi je pense aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des mesures objectives qui ont été faites. Quand on parle de tant de pourcentage d'homosexuels, on s'est adressé à des gens, on leur a posé la question, et ça c'est des choses qui changent. Les contextes changent énormément. Une personne dans la même situation n'aurait pas forcément donné la même réponse il y a 10 ans, il y a 20 ans ou aujourd'hui ou dans 20 ou 30 ans. Là, je te suis, Irène. Je pense que les associations ont de l'avance sur la question. Elles ont déjà un peu anticipé, en fait, et que la science suivra probablement aussi. Oui, je pense aussi. Hein. Ouais. Quand je vois le nombre de sportifs et de gens célèbres qui, de plus en plus, n'ont plus de problème à donner un nom à leur sexualité, je trouve que c'est super. Là-dessus, sur les sportifs et les artistes, surtout sur les artistes, je me demande si pour le coup, il n'y a pas un biais. Hein. Parce que même dans l'histoire, il y en a finalement un énorme nombre qui ont eu au moins des pratiques au moins bisexuelles et sinon homosexuelles. Quoi. Ben, c'est peut-être pas un biais, c'est une réalité, je pense. Après, c'est vrai qu'à mon avis, en plus, le nombre de gens bisexuels ou le nombre de gens qui ont eu des expériences bisexuelles, il est encore bien plus supérieur, il me semble, hein, que le nombre de personnes qui sont strictement homosexuelles. Ok. D'autres remarques ou on passe à la remarque de Pascal ? Oui, tu peux passer à la remarque de Pascal. Je te laisse à dire parce que je n'ai pas trop suivi de quoi elle parle exactement, comme je n'étais pas dans la chatroom là, à ce moment-là. Donc, c'était à 21h30 et 29 secondes. Elle disait, sur ce que vient de dire Irène, la mère qui modifie son comportement dès sa connaissance du sexe du bébé, il y a cet excellent bouquin qui en parle. C'est « Sous le signe du lien » de Boris Cyrulnik. Voilà, donc qu'on n'a pas lu. Non, qu'on n'a pas lu, moi j'en parlerai pas trop. Et puis ça me gêne un petit peu quand même de citer comme ça Boris Cyrulnik. Moi, je sais pas qui c'est en fait. Comme c'était Pascal qui citait, je me suis dit ça va, c'est safe. Mais alors vas-y, dis ce que t'en penses. C'est un mec extrêmement charismatique. Si t'as la chance de l'entendre en conférence, il est vraiment passionnant. Après, quand tu regardes son CV, c'est un peu étrange quand même. Quoi. Il est à la fois neuroscientifique, psychanalyste, prof de natation, je sais plus ce qu'il fait encore. Et puis en fait, ses crédentiels dans son CV sont contestés par la communauté scientifique. Alors je sais pas, c'est quelqu'un que j'aime bien écouter parler, mais derrière, on en parle, je suis pas sûr que ça suive. C'est dommage parce que c'est vrai que moi c'est aussi, j'ai lu pas mal de bouquins de lui et c'est vrai que comme dit Alan, c'est quelqu'un de très charismatique et qui parle très très bien et il y a certains de ses bouquins qui m'ont fascinée effectivement. Donc c'est un peu dommage que j'ai pas lu celui-là effectivement parce que nous en fera la revue quand il l'aura lu. C'est ça. Sinon, Alan, tu voulais nous parler de moutons exclusivement homosexuels, c'est ça ? Donc c'était sur la question des moutons exclusivement homosexuels. En fait, le protocole, il est assez simple. C'est quand on leur donne le choix qu'ils ont une préférence exclusivement homosexuelle. Et ça concerne les moutons mâles. C'est-à-dire, si on leur présente une femelle ou un mâle, ils iront systématiquement. Mais c'est genre vraiment systématiquement, c'est pas loin de 100% des tentatives. Ils se tourneront vers le mâle pour avoir un rapport sexuel. C'est des animaux domestiqués. Leur comportement n'est pas naturel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur fait faire. Et puis, si on leur présente exclusivement des femelles, ils y font avec, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... moi, je pense qu'ils étaient à l'état sauvage, en fait. Je ne sais pas si ça existe, des moutons à l'état sauvage. C'est un peu la famille des... Pur produit de la domestication des moutons. Je ne sais pas, c'est une question pour nos amis biologistes de l'évolution. Moi je pensais que c'était la famille des bouquetins et des ovins, des ovins en fait, donc tout ce qui est la famille des bouquetins, etc. Mais c'est vrai que honnêtement, j'ai pas regardé en détail. Et je voulais juste ajouter que Citron Vert avait donné un site internet avec des définitions assez courtes de bisexuel et pansexuel, donc on peut rattraper ce qu'on disait tout à l'heure. Donc sur bisexuel, il disait personne ressentant de l'attirance sexuelle pour des personnes des deux sexes, que ce soit simultanément ou alternativement. Et pour pansexuel, c'est personne ressentant de l'attirance sexuelle pour des personnes des deux sexes, ainsi que les transgenres, transsexuels, intergenres et intersexuels. Et c'est qui pour tout, en effet, d'accord. D'accord. Et puis, attention aux questions de genre, quand tu parles de citron vert, c'est pas il, c'est elle. On ne va pas la fâcher. Si c'est un citron, c'est une. C'est ça. Ok. Bon, super. D'autres remarques ou on passe à la suite ? Je crois qu'on peut passer à la suite. Tu avais des dessins à nous signaler ? Ah oui, on a eu plein de dessins, donc super. Ouais, super. Donc moi, je découvre cette semaine le nouveau dessinateur de Podcast Science, là, un certain Xil, qui m'a l'air de ressembler pas mal à l'ancien podcasteur de Podcast Science, et le mec qui fait des vidéos. Donc on a eu plein de dessins, et on a eu des dessins, bien sûr, de notre Pouillou National, dont un qui présente un conseiller d'orientation sexuelle. J'aime beaucoup le concept. J'avoue, c'est très bon. C'est ce Pouillou, quoi. Et vous pourrez tous les voir, bien sûr, dans les notes de l'émission, et puis aussi dans la version YouTube de l'émission, sans faire de pub pour la version YouTube, qui a un nombre de vues, mais délirant. Ouais, j'allais te demander, il y a quelqu'un qui regarde ta version YouTube ? Je crois qu'il y a une centaine de personnes, même pas sur la salle du CERN, avec 8 minutes de regardage de moyenne. Sur une émission de 2 heures, c'est pas mal. C'est lesquelles de 8 minutes ? Quoi ? C'est lesquelles de 8 minutes, t'arrives à savoir ? Non, on sait pas. Non, mais bref, on essaie de faire que notre page YouTube ressemble à quelque chose. Déjà, elle ressemble un peu à quelque chose. Après, s'il n'y a pas grand monde, ce n'est pas très grave. Peut-être que des vidéos y apparaîtront un jour ou l'autre. Tu peux peut-être expliquer le concept pour les personnes qui nous écoutent en audio. Donc, on a une chaîne YouTube depuis un sacré bout de temps déjà, c'est peut-être important à préciser, parce qu'on sait où on a metté les épisodes avec juste une image quand on arrive à mettre une image, ou alors une bouillie, un form, parce qu'on a généré automatiquement et on n'a pas toujours bien réussi. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens écoutaient notre podcast sur cette chaîne YouTube, alors sans avoir des stats très précises, mais en gros trop sur l'épisode du chat Schrödinger, je crois que cette semaine encore on a eu plus d'un millier d'écoutes, enfin des... Wow. Et en total, ils ont plusieurs dizaines de milliers, sauf que c'était un peu honteux parce que tous les épisodes étaient un peu moches, quoi. C'était des vidéos vraiment immondes. On avait l'impression que quelqu'un nous avait volé le son et l'avait mis un peu comme les clips mal foutus sur YouTube. Du coup, bah, depuis cette rentrée, je fais des épisodes version vidéo, alors version vidéo light, c'est-à-dire en gros, j'accompagne le son d'images où on voit principalement bah, le dessin de Pouillot du podcasteur qui parle. Et puis les dessins ou les images qu'il y avait dans l'émission au moment où elles sont dites. Donc c'est assez léger, mais c'est un peu plus agréable que la bouillie informe qu'il y avait avant. voilà. Et sinon, vous pouvez aller voir le Xilcast qui a sorti un nouvel épisode. Donc c'est le podcast de Xil. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, on verra. Non, mais. Il parle de nous. Ah oui, il parle de nous. Mais il parle tout le temps de nous, non? Mais non, mais il y a carrément les matos de Podcast Science dans son dernier épisode. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les matos de Podcast Science, j'avais oublié. Pardon, je t'ai interrompu. Non, vas-y. Je voulais juste passer un petit mot parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la nouveauté de la chatroom cette semaine. C'est Pascal donc, qui a fait qu'on a pu avoir une chouette vidéo de Lyon homosexuel dans la chatroom. Ouais, et, c'est super. Bah, voilà. Ah, mais je n'ai même pas vu, il y avait des lions homosexuels dans la chatroom. Ouais, en vidéo. Tu regarderas ça après l'émission, Alan. On se retient. Je vois ça tout de suite. On passe au pitch de la semaine prochaine. Un threesome même. Non, ça va, on est dans une émission sérieuse là. Le pitch de la semaine prochaine, c'est bon ou vous avez d'autres marques sur des lions homosexuels ou des gazelles ou d'autres animaux? Non. Donc le pitch de la semaine prochaine, on reçoit un invité, Thierry, qui va venir nous parler d'informatique. Alors on parle très rarement d'informatique dans Podcast Science, et il va nous parler d'un sujet universel en informatique. C'est une des premières choses qu'on peut voir quand on fait de l'informatique, c'est les tris. C'est-à-dire, tout bêtement, on a une salle de classe, on a des choses qu'on veut trier, ranger. Comment le faire et comment le faire rapidement? Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte. D'une part, c'est pas simple. Il y a plusieurs manières de faire et c'est extrêmement central en informatique. On a tout le temps besoin de trier les informations. Donc, ça promet d'être un épisode assez intéressant et assez différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant parce qu'on parle rarement d'informatique. Super. Voilà. Et c'est cool. La semaine prochaine, mardi à 20h30. Tout le monde est encore là? Oui. Ouais, on passe aux quotes. Irène, tu nous as bien sûr ramené des quotes. Il a même pas fait son pitch lui-même, en fait. Non, il a pas fait son pitch lui-même, j'avoue. C'est sans doute de ma faute, tout ça. Personne n'est parfait. Hein. Non, c'est sûr, surtout pas moi. Et... oui, j'ai amené des quotes. Alors, la première, elle est en anglais. Donc, j'espère qu'Alan, il va nous la traduire. Et cette quote, elle est de Judith Butler, qui est une philosophe américaine qui nous dit... Alors, je l'ai amenée parce que... Alors, c'est très personnel, mais je n'aime pas du tout Lacan, en fait. Et donc, voilà c'est ce pas que... la seule. Et voilà, donc elle nous dit « If Lacan, on va dire, presumes that female homosexuality issues from a disappointing heterosexuality as observation is said to show... Could it not be equally clear that the observer that heterosexuality issues from a disappointed homosexuality? Alors, heureusement que je l'ai sous les yeux parce que c'est long. Hein. Alors, c'est un peu compliqué, oui. Ouais, on va essayer. Si Lacan assume que l'homosexualité femelle vient d'une hétérosexualité déçue, comme les observations le montreraient, ne pourrait-il pas être tout aussi clair à l'observateur que l'hétérosexualité est une conséquence d'une homosexualité déçue? Voilà, il faut prendre ça avec un peu d'humour. Hein. Je trouve ça très drôle, j'aime beaucoup. Oui, moi aussi j'aimais beaucoup. Hein. J'en ai amené une autre qui est plus simple quand même, mais j'aime beaucoup aussi, qui est d'une femme bisexuelle très connue, Simone de Beauvoir, et qui nous dit, c'est un beau texte, je trouve, et qui nous dit « En soi, l'homosexualité est aussi limitante que l'hétérosexualité. L'idéal serait de pouvoir être capable d'aimer une femme ou un homme, peu importe, un être humain, sans peur, sans contrainte et sans obligation. » Voilà. Une belle citation. Voilà, une belle citation. Et sinon, dans les quotes de secours, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est très drôle et qui est complètement intraduisible, Alan. Oui, alors celle-là, oui, pour la traduire, bonjour. Je ne savais pas si Irène... Bah, dis-la, parce qu'elle est bien, je vais tenter vaguement de la traduire. Mais je ne crois, crois pas qu'on puisse la traduire, mais ce n'est pas grave, ça fait plaisir. Je l'envoie en anglais. Voilà. Straight, so is spaghetti until you heat it up. Donc, si c'est on vraiment la traduit marrant, littéralement en cassant le jeu de mots, ça veut dire... homosexuel comme une spaghetti avant qu'on la chauffe. Mais du coup, on comprend plus rien. C'est juste qu'en anglais, pour dire hétérosexuel, si j'ai dit homosexuel, pour dire hétérosexuel, on peut dire straight, qui veut dire droit. Et donc, c'est droit comme une spaghetti avant qu'on la chauffe. Voilà. Ce qui est significatif, hein, être straight, c'est être droit, et c'est être hétérosexuel, c'est quand même pas un hasard non plus. Hein. Et donc, elle est très drôle comme ça, je trouve. Oui. Comme un spaghetti cru, quoi. Voilà. Cool, bah on passe au quiz de l'été. Le quiz du mois, rebaptisé pour l'occasion quiz de l'été, revient lors du prochain freestyle, qui aura lieu le 7 octobre. On s'attaque cette fois à la fameuse recommandation « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, info ou intox ». Julie se charge de la réponse officielle de Podcast Science, mais n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez dans tous les formats que vous pouvez imaginer. Ben voilà, donc on attend vos contributions. Passage, le prochain freestyle, ouais. C'est dans deux épisodes, c'est ça ? 7 octobre, ouais. D'accord. Après mon épisode sur le Bitcoin. Teasing. C'est avant ou après ton épisode sur le Bitcoin ? Après l'épisode sur le Bitcoin. D'accord, donc c'est pas le suivant, c'est pas celui d'après, c'est celui d'après. C'est ça. Mais il faut quand même commencer à vous bouger pour répondre au quiz. Ouais. On a reçu quelques réponses, mais pas des tonnes. Mais on n'est pas satisfait. Ouais, et si vous voulez exactement. Nous faire des vidéos pour nous expliquer des expériences ou quoi, allez-y, parce que là, vous pouvez expérimenter. Ouais, en plus, c'est un peu tard, on trouve encore des pastèques. On attend toujours la personne qui est à l'hôpital parce qu'il a mangé 5 pastèques. Est-ce qu'on trouve encore des pastèques en septembre ? Ah, du PSEC, c'est peut-être un peu dur. Ça, mais... ça dépend où tu te trouves. Hein. Il faudra faire ça avec des courges, en fait, si on continue à tricoter. 5 potirons. J'en profite aussi, comme j'étais pas là en plus la semaine dernière, pour vous rappeler qu'on a créé une adresse mail qui n'a toujours servi à rien pour l'instant. Je me demandais à podcastscience.fm pour nous envoyer des questions What the fuck. Donc, c'est en effet largement plagié, copié, inspiré de What If, un excellent bouquin que vous pouvez lire de Randall Munro, le créateur d'XKCD, sur des questions. Tout à fait what the fuck, où on essaie d'y répondre de façon très sérieuse. Donc, par exemple, je ne sais plus ce qu'il a comme question rigolote, qu'est-ce qui se passerait si d'un coup la Terre s'arrêtait de tourner ? Enfin, voilà, tout plein de questions un peu bizarroïdes. Celles qu'a citées Julie, c'est des questions où même il ne répond pas tellement elles sont bizarres. Mais si vous vous posez des questions un peu cheloues, marrantes, n'hésitez pas. Quoi. Je vais tâcher d'essayer d'y trouver une réponse rationnelle. D'accord. Mais donc, moi, je veux te poser la question. Là, si la Terre s'arrêtait subitement de tourner, il se passerait quoi ? Du coup, je dois t'envoyer un mail, c'est ça ? Ah ben non, ouais, donc un mail, alors à nos mails d'habitude, ou à je me demandais à podcastscience.fm. Mais celle-là, pour le coup, il y répond, c'est la première question de son bouquin. Et a priori, on aurait du mal à survivre, quand même. Bah ouais. Ça ferait très, très mal. Surtout, en fait, si on survit les 5 premières minutes, ça va à peu près. Bah, on a un petit peu tendance à oublier qu'on est en permanence en train de se balader à, c'est quoi, 1600 km/h. Ah voilà, à une vitesse délirante. Là, le truc rigolo, c'est que non seulement on se prendrait donc une sorte de vent hyper rapide dans la gueule, ça c'est une première chose, mais qu'en plus, ce vent-là, en ralentissant, chaufferait énormément et ferait bouillir les océans. Quoi. Ah ouais, c'est bon ça. Donc ce serait assez sympathique. Déjà que je trouve qu'il fait trop chaud ici, ben donc. Hein. Bon, ça et... durerait pas très longtemps pour le coup, Irène. Ouais, je sais. Non, mais c'est vrai qu'il fait trop chaud. Je suis désolée, mais il fait trop chaud ici. Hein. Enfin voilà, toi t'es en pull. Alors le livre est pas exceptionnel, le What If là, mais il est très sympa à lire, très agréable parce qu'il y a quand même des questions complètement délirantes où il a quand même pris le temps de répondre. Dont une assez marrante sur l'internet que je me suis posé longtemps, c'est pour ça que j'ai trop marrante, qui est à quel moment la bande passante d'internet dépassera la bande passante de FedEx. De FedEx. C'est-à-dire les trucs de livraison, genre TNT. En France, on utilise plutôt du TNT, du Chronopost, mais les trucs de livraison, c'est-à-dire à quel moment on pourra envoyer plus rapidement des données avec internet qu'à par la poste. Beaucoup de données. Et a priori, c'est pas prêt d'arriver, quoi. Bah aujourd'hui, si tu veux envoyer 800 gigas aux États-Unis, t'as meilleur goût de l'envoyer par la poste que de l'envoyer par Internet. Parce qu'en 24 heures, il est arrivé. Okay. Alors qu'en 24 heures, Internet, il l'aura pas balancé. Et 800 gigas, c'est un tout petit disque dur, c'est vite fait d'envoyer. Ah. Voilà. Bon, bref, a priori, c'est quasiment impossible que ça n'arrive. Ah ben, complètement. Mais non, mais de toute façon, tu peux me dire ce que on peut dire ce que je veux. J'ai dit 800 gigas, mais ça peut être beaucoup plus que ça. T'imagines ce que ça représente, 800 gigas, c'est un tout petit truc. Oui, c'est énorme. C'est un petit colis, en fait, et c'est énorme. Donc, non, mais même pour tout te dire, les grands services, Google, je ne sais pas, mais Amazon propose un service comme ça. Quand tu veux uploader des données sur leur service de stockage, tu peux envoyer par la poste un disque dur. Ah ouais. Parce que c'est... Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Nous, on a des problèmes de stockage, on en est avec des disques durs de terabytes, ouais. Ouais, ça, j'ai dit 800 gigas, on pourrait même parler de plusieurs terras. Ouais, bref. Ouais, donc, ouais. Et a priori, ils faisaient le calcul et c'est pas près d'arriver parce qu'en plus, déjà en supposant que l'envoi par la poste s'améliore pas, c'est-à-dire que la taille des disques durs ne s'améliore pas et compagnie, déjà c'est pas près d'arriver. Mais alors, si en plus tu supposes que la miniaturisation continue, ça arrivera juste jamais en fait. Bref. Sur ce, on passe au plug. Yep. Avec Robin qui a un petit rappel à nous faire d'abord. Ouais, attendez, voilà, ça y est, je me suis démuté. Oui, donc je rappelle, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je me dis, on sait jamais, il y en a peut-être qui n'étaient pas là, tout ça. Il y en a peut-être qui vont écouter cette émission en premier avant celle de la semaine dernière. Le 26, 27 et 28 septembre prochain, c'est-à-dire dans pas très longtemps, il y a la fête de la science qui commence. C'est au Palais de la Découverte, c'est que ce week-end-là, et donc c'est gratuit. Et il va y avoir tout un tas d'événements, d'activités autour de la cristallographie, avec des stands, un stand où on va parler plus de chimie, un stand où on va parler plus de bio, un stand où je serai, où on va parler évidemment de maths, donc de la cristallographie point de vue mathématique, et des constructions de structures cristallines de 5 mètres de haut, on est parti pour ça, dans le hall d'entrée, tout ça, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, ça va être super sympa, venez. Super Alan, tu peux continuer. Ouais, moi je vais tirer un peu la... Ouais, je vais tirer la couverture un peu du côté des Suisses. Alors avant ce week-end-là, le 24 septembre, le mercredi 24 septembre, donc c'est mercredi prochain, ça va être tout soudain d'ailleurs pour les personnes qui nous entendent dans la version podcast. Il y a une conférence TEDx au CERN. Alors les conférences TEDx, c'est ces conférences organisées sous licence TED qui répondent aux mêmes contraintes de format. Pas toujours au même standard de qualité, je trouve. J'avoue que j'en suis un petit peu revenu, malgré la qualité globale des présentations. Il y a souvent une ou deux interventions où le speaker profite de la crédibilité de l'événement et des autres intervenants pour raconter n'importe quoi. Mais bon, là, c'est au CERN. Et j'y étais allé l'année dernière. C'était juste fabuleux, le meilleur TEDx du monde. Et cette année, ça aura lieu donc le 24 septembre, ce mercredi, avec Brian Cox en maître de cérémonie. C'est juste la classe internationale. Ça promet d'être juste génial. Le nombre de places est limité, alors il faut vous inscrire super vite. Le lien, vous le trouverez dans les notes de l'émission. C'est une URL du CERN, du coup, c'est compliqué. tedxcern.web.cern.ch/attend. Je pense que vous avez meilleur temps de vous reporter aux notes de l'émission. Et puis, toujours dans la foulée, c'est pas tout. Si vous êtes du côté de Genève le samedi 26 septembre, justement, sachez que le CERN mijote un petit événement exceptionnel, à la fois pour fêter ses 60 ans et dans le cadre de la Nuit des chercheurs. Ça s'appelle Pop Science. Et le CERN y propose 3 lieux de rencontre entre la science et le grand public. Alors de 16h30 à 21h30, ça se déroulera à la FNAC Rive à Genève. Il y aura des ateliers, de la poésie, de la musique, des cafés scientifiques, un espace pour les enfants. L'entrée est libre et gratuite. À 19h, tout le monde déménage au Théâtre du Bordeaux à Saint-Genis-Pouilly. Donc là, c'est sur le côté français, juste à côté de Genève. Pour une avant-première du spectacle Origins, c'est une pièce de théâtre innovante qui mêle des nouvelles technologies, des hologrammes et un dialogue avec le public. Et la représentation, roulement de tambour, sera suivie d'une discussion exceptionnelle avec Étienne Klein, Hubert Reeves et Michel Spiro. Là, l'entrée est payante. Par contre, vous trouvez des informations sur cern.ch/voisin. Et à 22h, le même jour, donc le 26 septembre, café scientifique à la salle centrale Madeleine à Genève, avec la participation de Fabiola Gianotti, d'Étienne Klein, d'Hubert Reeves et de Michel Mayer. L'entrée est gratuite, la réservation est obligatoire. Là aussi, vous trouvez des informations sur cern.ch/voisin, où il y a même un site dédié à l'événement, c'est pop-science.eu. Et accessoirement, à travers un contact presse, merci à notre ami Aurélien, qui est notre taupe au CERN qui nous organise tout, on m'a demandé d'enregistrer le tout pour peut-être pouvoir en faire un épisode hors série. Alors je vais y aller avec du matériel un peu amateur, quoi. Ce sera juste un enregistreur placé quelque part, ce ne sera pas une qualité pro. Mais vu la qualité des interventions, j'imagine, enfin un débat avec Étienne Klein et Hubert Reeves et Michel Mayer, ça peut que voler très haut. Je pense que ça vaudra la peine, même si ça grésille un petit peu. Peut-être juste à partir des techniques, tu peux peut-être y apporter quand même de quoi te brancher à leur installation sonore si jamais ils te le proposent. Ouais, j'aurai 2-3 câbles avec moi, mais je me fais pas trop d'illusions. Sinon, t'en aparté what if pour vous redonner un exemple de question auquel j'ai pensé d'ici là, c'est étant donné que quand on va vite, comme quand on rentre dans l'atmosphère, ça chauffe, à quelle vitesse faudrait aller en vélo pour que l'air qu'on se prend dans la gueule nous réchauffe quand il fait froid ? Il y répond aussi dans le bouquin. Je vois. Et sinon, il n'y a quand même pas besoin de se déplacer pour aller poser des papotés avec Étienne Klein, il me semble, non ? Mais non, on va le recevoir sur Podcast Science bientôt. Je n'ai plus la date en tête, c'est en décembre, le 6 décembre peut-être. C'est trop tôt pour donner la date précise, on tease pour l'instant. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va surtout parler de son avant-dernier bouquin sur Majorana, si je ne dis pas de bêtises dans la prononciation. Si, c'est en italien, je pense que ça se prononce Majorana. Non, mais je veux dire l'ordre des lettres surtout. Et le bouquin s'appelle, je ne sais plus comment... À la recherche de Majorana. À la recherche de Majorana, voilà. Et ça a surtout porté là-dessus, et puis plus généralement sur Étienne Klein, de toute façon. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions sur les anagrammes, des trucs comme ça, allons-y. Et Johan, tu voulais dire un mot sur Michel Mayer ? Ouais, c'était juste pour préciser, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était, c'est le premier découvreur d'une... c'est un astronome suisse, premier découvreur de l'exoplanète, d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire. Donc, c'est celui qui a fondé le champ dans lequel je bosse. Bon, sinon, il faut qu'on parle des petits, là, de ceux qui ne sont pas encore des champions, des primés comme nous. Quoi. Ceux qui n'ont pas encore triomphé, tu dis, sur la scène de la mairie de Paris. Ouais. Bah oui, bah c'est de nouveau l'époque des votes publics pour les Golden Blog Awards. Alors, pour le moment, il y a 7 blogs amis du Café des Sciences en compétition dans la rubrique Science. Qui a été créé pour nous donner un prix. Absolument. Bah, ça, nous avons été les premiers à remporter le Golden Blog Award de la catégorie science. Donc ça, c'est la 5e édition des Golden Blog Awards, c'est la 3e avec une rubrique science, et c'est nous, donc Podcast Science, qui avons gagné la première. Et l'an dernier, c'était aussi un blog du café, si je ne m'abuse. Exactement, c'était Guillaume Frasca et son blog La Science Infuse. Donc il faut absolument que ce soit le Café des Sciences qui gagne toujours pour cette 3e édition. Donc, dans la course, il y a Qui dit science, le portail jeunesse du Café des Sciences. Il y a le Globe Server. Surtout, il y a Chou Romanesco, Vache qui rit et Intégrale Curviline. Si vous devez voter que pour un, vous pouvez voter pour celui-là. On va vous expliquer dans un instant que vous n'êtes pas obligé de voter que pour un, mais on sent les allégeances là. Il y a Sense the Science, Ça se passe là-haut, Voyage au cœur de la science et Chronique de l'espace-temps. Pour le moment, il y en a peut-être d'autres qui vont s'inscrire. Donc, si vous voulez voter pour tout ce petit monde d'un coup, on a créé une page spéciale sur le site du Café des Sciences. Là aussi, c'est une URL un peu impossible. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Ça s'appelle Voter Café des Sciences au GBA 2014. Et sachant qu'on vous conseille de passer par ce lien parce que le site du GBA, du Golden Blog Award, est encore plus habitable que ce lien-là. Ouais, il y a Pascal Bauger qui demande si on peut encore s'inscrire. Oui, on peut, va vite t'inscrire. Du coup, il y aura un huitième site à partir de demain. Ce sera Le Monde. Ouais, même les inscriptions, il y a encore quasiment un mois, je crois. Hein. Ouais, absolument. Et puis donc, sachant qu'en gros, le système, c'est les votes servent à faire une shortlist d'une dizaine de blogs dans chaque catégorie. Et ensuite, c'est un jury qui élit le lauréat. Et les votes, il y a le sponsor qui compte pour moitié, si je ne dis pas de bêtises, le sponsor qui compte pour un tiers, les votes pour un tiers et un jury pour un tiers. Et je ne sais pas si cette année on fait partie du jury, je l'aurais écrit pour savoir, mais je ne sais pas. J'aime bien avoir pouvoir de vie et de mort sur les copains comme ça, c'est drôle. Good. Et puis, on n'a pas précisé, on doit voter tous les jours. On doit voter tous les jours depuis son ordinateur, son téléphone portable, sa tablette, l'ordinateur du boulot. Merci, c'est un acte civique. Un acte citoyen. Voilà, c'est ça. Donc, Chou Romanesco, Vache qui rit, Intégrale Curviline. Ouais, non, faut. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un excellent blog. Et ensuite, pour entendre les présentateurs qui sont des présentateurs pas du tout scientifiques et compagnie prononcer le titre du blog. C'est clair. J'avoue que ça, c'est une bonne raison. et en plus, parce que de toute façon, c'est un truc qui parle de maths, il aura moins de votes. Donc, il faut voter pour lui pour compenser, quoi. Bon, mais comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux, de cafés, de pizzas, de masques de catch, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Bref, vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, YouTube, bref, sur tout l'Internet mondial. Et merci encore à tous et toutes d'être toujours fidèles au poste. On se retrouve donc le 16 septembre. C'est aujourd'hui le 16 septembre. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un épisode sur les tris avec un invité. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie. peut-être juste pour expliquer aux gens normaux, en fait, vous les matheux, vous vous excitez sur chaque nouveau numéro d'épisode de Podcast Science, vous cherchez quelles sont les propriétés du nombre en question, et puis aujourd'hui vous étiez bien emmerdés parce qu'aucune de vos sources ne vous donnait aucune propriété, donc c'est un... Comment on appelle ça d'ailleurs ? C'est un nombre quoi ? Un nombre à cratopège sans. Bah, sans du coup, ouais, c'est un nombre qui a. Non, ce serait ça, il aurait la propriété, on le saurait quoi. Ah ouais, c'est ça, il a... ouais, d'accord. Aucune propriété. Puis LGJ, vous en avez quand même. J'ai déjà rangé un certain nombre de mes bouquins, dont voilà. De nombres remarquables, dans des cartons, et donc je les ai plus. Donc ah ouais, c'est le nombre de constructions symétriques que l'on peut faire avec 4 Lego de forme 2x4. Vous êtes. C'est génial. J'ai pas de mots. Les singes, ça m'a soufflé là. Que des singes mâles se mettent à jouer avec des camions. Ça, je comprends toujours pas. Il y a un article génial de Homo Fabulus là-dessus. C'est un des blogs du Café des Sciences aussi. Je vais essayer de le retrouver. C'est épatant. Ça a cassé toutes mes préconceptions, ce truc-là. J'ai retrouvé l'article d'Homo Fabulus, si jamais. Ça s'appelle Les macaques mâles aussi préfèrent jouer aux petites voitures. On en avait déjà parlé en plus ici, ouais. Je me rappelle, exactement. Un jour on avait parlé homme-femme, machin, on avait déjà eu ce genre de discussion pendant des heures. Ouais, c'est ça. On en était arrivé à quelle conclusion déjà, que c'était les hommes ou les femmes le mieux? Bah, c'est les femmes, évidemment. Non, mais à l'époque, il y avait moins de femmes dans Podcast Science quand on en avait parlé. C'était plus simple. En fait, honnêtement, j'ai laissé tomber parce que c'était vachement dur de comprendre pourquoi il n'y a que 10% de femmes qui font que du parapente. Entre est-ce que c'est vraiment de la pression de la société ? C'est 10% des personnes qui font du parapente qui sont des femmes plutôt, non ? Oui, pardon, oui. Ouais, non, c'est juste pour mon équilibre personnel. C'est ça. C'est pour calmer les angoisses de Robin. Non, mais il n'y a pas de ça. Quand tu vois les vélos qui se font désosser, tu comprends juste pas. Mais non, quoi. T'as pas compris. Attends, tu rigoles ou quoi ? Tu voles une selle ? A priori, personne n'achète de selle, sauf si tu t'es fait voler ta selle. C'est un truc qui s'auto-entretient, c'est génial. C'est absolument génial. Et il est allé en Angleterre parce qu'il a envoyé des formules. Enfin, faut laisser le dossier complet, faut laisser l'histoire au dossier complet, mais c'est assez génial, cette histoire. Il a envoyé des formules, les mecs ont dit, mais d'où ça sort, quoi ? Il y en avait qui étaient... Genre un tiers qui était juste, mais déjà connu, un tiers qui était juste, mais qu'on connaissait pas, et on comprenait pas comment il avait trouvé, et un tiers qui était fausse, mais presque juste. Et là un mathématicien normal, il hurle, quoi. Tu sais pas comment tu peux trouver un truc presque juste, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est... Et juste parce que le mec, il était tellement à l'aise avec les nombres que c'était l'instinct, c'était l'intuition. Donc, des fois, il s'est planté, mais pas de beaucoup, quoi. Et voilà. Et après, à un moment, il était très mal. Il était à l'hôpital. Et donc, il y a son pote Hardy qui allait le voir. Et il dit en arrivant, voilà, parce qu'ils étaient un peu obsessionnels des nombres tous les deux. Il dit, le taxi avec lequel je suis venu, c'était le taxi 1729. C'est un peu nul comme nombre, il n'y a pas de propriété spéciale et tout. Et là, Ramanujan, sur son lit, avec je sais pas quelle maladie, une pneumonie aggravée, machin et tout, qui n'a rien bouffé depuis qu'il est en Angleterre parce qu'il est végétarien et tout, et qui est là et qui dit « Ah bah si, quand même, c'est sympa ce nombre, c'est le plus petit nombre qu'on peut décomposer de deux façons en somme de 2 cubes. » Donc c'est voilà. Donc pour aller jusqu'au bout de la référence, dans un épisode de Futurama ou des Simpsons, je sais plus, il y a un taxi qui justement a ces numéros-là. Ah bah oui, forcément. T'as quand même 43 followers, quoi. Et surtout, j'ai quand même Michael Jackson, on aurait pu l'annoncer. Alors ouais, dis-le moi proprement et je le mets en tout début, avant même le premier jingle. Je suis suivi par Michael Jackson sur Twitter.